Ça y est, nous sommes arrivés, nous avons atterri du côté de quelques milliers d'années avant Jésus-Christ. La date n'est pas fiable car il s'agit bien sûr d'une légende. Nous pensons avoir Hercule en face de nous, a priori si nos calculs sont bons, n'est-ce pas Francis? Ça peut être lui ou n'importe qui d'autre finalement. Non, bah, en tout cas c'est ce que nous allons voir, nous rapprochons de cet homme. Bonjour monsieur. Est-ce que vous vous appelez Hercule? Bon, qu'est-ce que tu veux, toi? Oui, je cherche Hercule. Hercule, ou... Non, mais moi, c'est Cul. Moi, c'est Jean-Pierre Cul, fils de Gérard. Ben, excusez-nous de vous avoir dérangé. Vous avez un lien spécial avec Hercule. Vous connaissez la légende d'Hercule? La légende d'Hercule? Moi, je connais pas. Donc, moi, c'est Jean-Pierre Cul, quoi. Bon, ben, écoutez, on va faire avec vous. Qui êtes-vous, monsieur? Ben moi, je suis le juge d'application des peines, c'est pas compliqué. Bon, Jean-Pierre a fait des petites conneries dans sa jeunesse, et là, il est obligé de réparer un petit peu, donc il fait des travaux. Il fait des travaux d'intérêt public, et là, actuellement, donc il fait un travaux qui consiste à passer le rotofil autour du Parthénon. Voilà. Ah, très bien, très bien. Donc, ben, a priori, nous sommes bien tombés, il doit en faire beaucoup, des travaux, comme vous ça. Vous auriez pas une aspirine, là, si j'ai un mal de crâne. On doit avoir des petites pilules, hein. Comment puis-je vous appeler, cher juge d'application des peines? Michel. Bien, alors Michel, expliquez-nous un petit peu, combien de travaux doit réaliser Jean-Pierre Cul? Et c'est 12 autres Écoutez, c'est pas compliqué, ce qu'il a fait est très grave, donc il y en a 12. 12 travaux d'intérêt public répartis sur toute la Grèce. Bon, alors voilà qui est intéressant, j'ai l'impression que nous sommes tombés sur la bonne personne. Le rotofil, là, il a bientôt fini. Tu pourrais pas faire un petit peu mieux les bordures, là, parce que c'est pas super bien fait. Bon, c'est super dur de choper les bordures comme ça avec le rotofil. C'était pas grave ce que j'avais fait. Ça a juste éclaté ma femme et mes enfants. Comment ça s'est dépassé? Expliquez-nous un petit peu, monsieur Cul. Ben, j'étais avec ma femme. Ça faisait chier, elle voulait absolument aller à printemps faire les soldes. Moi, j'ai pas voulu, alors j'ai explosé la gueule. Et comme ça, juste, j'ai foutu une baffe. Et la tête qui est partie quand elle tapait la tête de mes fils. C'est parti aussi. Ah oui, d'accord, mais c'est un terrible, terrible drame hein, quand même pour vous. Cher Michel, quand est-ce qu'on passe à un autre travaux? Parce que nous sommes censés aider Jean-Pierre Cul ici. Ah là, mais non, mais c'est pas compliqué quand il a fini les bordures. On va peut-être l'aider rapidement, là. Pierre, les ciseaux. Il faut ramasser la feuille, là. Bah, allez, c'est bon, on va passer à la deuxième. Il y a le colosse de Rhodes, vous savez, c'est une grande sculpture, c'est un gars qui est complètement à poil. Il a la zigounette à l'air depuis 2 siècles, et ce qui serait bien, ça serait d'aller lui sculpter donc une feuille de vigne. Tu peux faire ça? Ouais, je veux le faire, hein. C'est Rhodes. T'as pas le choix. De quoi avez-vous besoin, cher Michel? Est-ce que vous fournissez un petit peu le matériel pour ces travaux? Ah non, c'est Castorama qui fournit tout le matériel, à ce qui paraît, ils ont tout ce qu'il faut. Il faut que nous allions le chercher, le livre, comment ça se passe? Parce que moi, je vous avoue qu'on est un petit peu pressé, hein, ici. Hein, il faut dire qu'on a des blocs de ciporex, là, dans la capsule, ça pourrait dépanner. Ah ben voilà, ben très bien, ça ira, c'est parfait. Une grande feuille en ciporex, à mon avis, ça me fera une meilleure effet. Je peux faire une feuille de chêne? Allez, ça va, une feuille de chêne. Une feuille de chêne pour masquer le blanc, c'est parfait. Aïe! Alors, ben je vois... Attention, je me suis explosé le doigt. Oui, je vois que vous vous blessez, hein. Attention, vous vous blessez. Bon, c'est vrai qu'on nous sommes pressés, mais enfin, c'est pas pour autant qu'il faut que vous perdiez la vie, hein, pour ces petites choses, finalement. Pas très importante, on est assez étonné de voir la facilité des travaux qui vous sont demandés. Nous nous attendions à toute autre chose. Bah écoutez, si on peut faire quelque chose en attendant, Michel? Bah si vous voulez, il y a 12 travaux, donc on n'est jamais de trop, hein. Donc si vous voulez, je sais pas, il reste à sculpter une tour Eiffel en feta. Oh, si je ça prends. Vous intéresse, c'est l'ingénieur qui le prend. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben, sinon, il nous reste... Ah oui, il faut chercher une paire de lunettes d'éclipse pour le cyclope. Ça se trouve dans des tabacs, vous avez des choses comme ça? Alors, des tabacs, des préfectures aussi, beaucoup de préfectures. Écoutez, oui, je vais peut-être faire un petit tour à la préfecture en attendant. Et la feta, il y a un sponsor? Bien, je vous propose, pendant que nous réalisons nos 4 travaux, d'écouter cette merveilleuse chanson que nous a choisie Francis Lafouronne.